Mag. Toute l'actu en Touraine sur Radioactive. Bonjour à toutes et tous, vous êtes à l'écoute de Radioactive et on se retrouve pour un nouveau mag. Et aujourd'hui dans ce mag, on reçoit une troupe qui porte un nom qu'on n'oublie pas. Et encore moins quand on les voit sur scène. Les Gourdasses, c'est 6 femmes de l'énergie, de l'humour et un nouveau spectacle qu'elles vont présenter un peu partout entre avril et juin. Ça a déjà d'ailleurs démarré ce samedi 11 avril. Et pour en parler, on accueille aujourd'hui Sophie et Émilie. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer les filles, est-ce que vous pouvez nous présenter la troupe des Gourdasses? Comment elle est née et peut-être même avant ça encore, votre petit parcours dans le domaine du théâtre à chacune? Sophie. Alors moi j'ai commencé avec des cours avec Nicolas Saunier au CSC de Bléré et c'est là où j'ai rencontré deux autres de la troupe et ensuite Émilie est venue nous rejoindre. Exactement. Okay. Donc j'ai rejoint effectivement les filles en 2018. Je suis tout à fait novice dans le théâtre. Enfin, je l'étais en 2018. J'ai fait effectivement une représentation qui m'a beaucoup plu. Et je continue effectivement sur cette lancée depuis 2018 avec les Gourdasses. Alors pourquoi ce nom, les Gourdasses? Parce qu'il intrigue, en même temps il fait sourire. Mais il dit quoi de vous finalement, ce nom? En fait, c'est parti d'une pièce de théâtre qu'on jouait. Et à un moment, il y avait une réplique où une d'entre nous disait « Oh la gourdasse, oh les gourdasses !» Et en fait, ça nous faisait toujours rire à ce moment-là. Et quand on a cherché le nom de la troupe, on s'est dit « Bah, c'est ça, c'est les gourdasses, c'est nous, on est 6 filles. » Enfin, maintenant, on est 6 filles, avant, on était 4. Et voilà, on se prend pas la tête et c'est plutôt rigolade. Donc voilà, ça nous correspond bien. Ça nous colle bien à la peau. Voilà. Si vous deviez définir justement l'esprit de la troupe en quelques mots, c'est, on a l'impression qu'il y a une cohésion, que c'est plutôt sympa. Bah, c'est plutôt très sympa, on rigole beaucoup, beaucoup de fou rire, beaucoup d'impro sur scène, beaucoup de moments inattendus, et voilà, et ça se passe super bien. Très bien. Le fait d'être que des filles, c'est un choix de départ ou ça s'est trouvé être comme ça? Ça s'est trouvé être comme ça. Ouais. Et puis finalement, on est pas mal entre filles. Ça veut dire que le groupe peut encore s'élargir ou pas du tout? Vous êtes maintenant, vous avez trouvé votre rythme de croisière ensemble comme ça? Ou est-ce que je peux devenir une gourdasse moi aussi si j'ai envie de venir avec vous? Alors ça a évolué hein, parce qu'au début, on n'était que quatre. Avec Émilie et Graziella et Virginie, qui sont donc les quatre de base. Sur nos t-shirts, on a les quatre figures, on va dire, les gourdasses. D'accord. Et ensuite, on a eu donc Claire et Aurore qui nous ont rejoints il y a 2 ans maintenant. Et voilà, mais c'est pas interdit d'être une gourdasse, pas du tout. On n'est pas fermé non plus aux hommes. Hein. Chaque gourdasse, un homme peut aussi être gourdasse en lui-même. Hein. On ne sait pas, voilà. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. On n'est pas complètement fermé. Après, on ne peut pas être une troupe avec 15 personnes, ça mm-hmm. c'est sûr. Mm. Même pour les trajets, parce que nous, c'est vrai qu'on va à droite, à gauche. Donc bah, pour les transports, pour transporter tout notre décor et tout. On ne peut pas avoir 15 personnes sur scène, surtout que nous, généralement, c'est des petites scènes. Ça va faire beaucoup. Vous êtes sous forme d'assaut peut-être avec les Gourdasses, non? On est avec le CSC de, ouais. de Bléré, voilà. Okay. D'accord. Alors vous revenez justement avec un nouveau spectacle, un spectacle qui s'appelle 14 juillet à la maison de retraite. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cet univers sans trop nous en dévoiler évidemment, parce qu'il faut qu'on ait envie de venir vous voir? Oui, bah, c'est une belle pièce de théâtre effectivement qui reprend la vie au sein d'une maison de retraite, où il y a une directrice... Madame Lacour. Madame Lacour, mm-hmm. qui a son caractère. Qui n'est pas facile. Voilà, et qui doit effectivement s'absenter. Et on imagine tout un tas de péripéties durant l'absence de cette Madame Lacour qui font beaucoup rire et qui mettent beaucoup d'animation dans cette maison de retraite. Très bien. C'est une création originale des Gourdasses ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez puisé sur de l'existant? Non, c'est une pièce de théâtre écrite par Pascal Valentini-Daniel. C'est la première fois qu'on fait une pièce déjà écrite. D'habitude, nous écrivons nos propres pièces. Il y en a eu beaucoup d'ailleurs des pièces au préalable? Il y en a eu 3-4. Je crois, okay. Voilà, toujours avec les gourdasses qui partent en vadrouille. Mmh. Et puis cette année, on a essayé de changer, on s'est dit pourquoi pas reprendre une pièce de quelqu'un, et voilà, c'est une première pour nous. Mais voilà, ça se passe bien quand même. Qu'est-ce qui fait la force de ce spectacle? Alors c'est la, je pense, la vivacité entre nous, les répliques, et puis il y a des blagues, enfin voilà, c'est assez drôle, donc on ne s'ennuie pas du tout pendant 1h20. C'est ça. Quand vous avez fait le choix de cette pièce, c'était à l'unanimité. Comment ça se passe d'ailleurs quand vous réfléchissez à qu'est-ce qu'on va faire après? Chacun apporte son idée, vous déterminez ensemble? Bah, généralement, voilà, là, fin, en juin, on arrête les représentations. Juillet, août, soit on écrit, c'est quand on écrit. Là, on a cherché une pièce. chacun réfléchit, trouve des pièces, on en discute, on regarde le début, puis à la fin, quand tout le monde est d'accord sur une pièce, bah, on se met d'accord et c'est parti pour les répètes. Voilà. On choisit notre rôle, effectivement, on voit quel rôle nous colle le plus à la peau, et puis on essaie de se mettre d'accord, effectivement, pour choisir notre rôle. Voilà, là, dans cette pièce, il y a une infirmière russe, qui est très importante dans la pièce. Elle apporte son rôle et là, tout de suite, ça s'est défini. Voilà, on savait laquelle allait faire notre infirmière russe. C'est pas moi. Ni moi. Et justement, la mise en scène, elle était déjà définie au préalable ou est-ce qu'il y a de la place aussi à l'impro ? Oh, il y a beaucoup d'impro chez nous. C'est même notre base. C'est l'impro. Ouais, alors après la mise en scène, nous, généralement, de septembre jusqu'en janvier, on fait du texte, on apprend. À partir de janvier, on commence la mise en scène. Chacun apporte un petit peu sa contribution. Et puis, on a deux metteurs en scène qui viennent nous aider. Delphine Vital et puis Nicolas Saunier, qui viennent nous donner des petites aides au fur et à mesure de notre avancée, on va dire. Est-ce qu'il y a des anecdotes à partager avec nous sur ces années depuis lesquelles vous faites partie toutes les deux des Gourdas ? Une anecdote à nous raconter, un truc qui ne s'est pas déroulé comme ça aurait dû ? Bon, on peut dire samedi peut-être. Ah ouais, d'accord. Voilà, c'est samedi. Récent. C'est du tout frais. Donc samedi à Billy. Donc voilà, on a répété l'après-midi dans cette salle qu'on ne connaissait pas. Ça s'est bien passé, les répétitions sont bien passées. Et puis le soir... À un moment, je ne savais plus quoi dire. Donc voilà, j'ai regardé les autres comme ça, avec mes petits yeux comme ça, de Merlan Free, en disant « je ne sais pas quoi dire ». Et j'ai regardé Émilie, parce qu'Émilie est dans les coulisses à faire la régie, et j'ai dit « la galère ». Et on s'est rattrapés comme il fallait, ça ne s'est pas vu, donc voilà, c'était parfait. Mais ça, c'est à chaque représentation. Nous avons des moments jamais au même moment. Le moment du trou de mémoire, mais c'est ça être pro, c'est justement faire en sorte que le public s'en aperçoive pas. Donc, mais bravo. Ils ont rien vu. Les filles, je vous propose qu'on marque une pause en musique, un titre de votre choix et pas n'importe lequel. Alors lequel justement et pourquoi ? Alors c'est les Blues Brothers parce que à chaque fin de représentation, on fait une petite danse qu'on travaille énormément. Vous le verrez quand vous viendrez nous voir. Et puis voilà, c'est sympa. On cherche tout le temps quelque chose un petit peu en rapport. Et puis bah là, il y a... Dans notre pièce, on a une animatrice de la maison de retraite, bien sûr, qui met l'ambiance dès l'entrée de la représentation avec cette musique. Donc, ok. Voilà. Eh ben, on va se mettre dans l'ambiance tout de suite avec Everybody Needs Somebody, les Blues Brothers sur Radioactive. Everybody needs somebody. Les Blues Brothers, Everybody Needs Somebody, un titre tiré du spectacle des Gourdas qui sont avec nous aujourd'hui. Alors, elles ne sont pas en totalité présentes dans le studio de Radioactive. On a Émilie et Sophie, un bel échantillon représentatif des Gourdas, qui sont venues nous parler de leur spectacle qui s'appelle 14 juillet à la maison de retraite. Alors, plein de dates pour venir vous voir. Pour ceux qui ont raté celle du 11 avril à Abilly, fameuse date où Sophie a eu un petit trou de mémoire qui ne s'est pas vue d'ailleurs, on peut vous voir justement les filles quand et où ? Alors la prochaine date c'est le 25 avril à Mareuil-sur-Cher dans le petit théâtre qui est magnifique, une salle très très belle à 20h. Ok. Voilà. Et puis ensuite ça sera à Bléré dans la grande salle du CSC le 6 et 7 juin et pour finir à Vallières-les-Grandes le 27 juin, bientôt quoi. Ok. Ce spectacle, il s'adresse à quel public ? Tout le monde peut venir nous voir. Tout le monde, ok. Même les enfants, il n'y a vraiment pas de public particulier. Au contraire, tout le monde peut venir pour s'amuser et passer un bon moment. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'il en coûtera de venir vous voir sur scène, les filles ? Eh bien, c'est totalement gratuit. Non. si, on vient nous voir effectivement. Et si le spectacle a plu, eh bien, on invite l'ensemble du public à participer en mettant une petite somme dans une cagnotte à la sortie. Alors, sauf à Mareuil-sur-Cher. Oui. Sauf à Mareuil-sur-Cher, où là, l'entrée est payante, puisqu'on paye la salle. En fait, voilà. Donc, là, l'entrée est à 10 euros. Parce que notre particularité, en fait, on recherche des salles pour jouer où on nous offre la salle et en fait, en contrepartie, voilà, on ne fait pas payer l'entrée, mais on met un chapeau à la sortie. C'est vraiment chouette, ça. Dans l'optique de pouvoir offrir la culture à tous, c'est vraiment très chouette qu'on puisse venir voir les Gourdas gratuitement, avec une petite participation, évidemment, parce qu'il y a du talent derrière, donc ça bien se sûr. Chiffre quand même. Il y a une date que vous attendez plus que les autres ou pas vraiment ? Après, notre date vraiment de prédilection, on va dire, c'est à Bléré, parce que c'est là où on répète, c'est notre lieu, on va dire, de vie. Mm-hmm. Donc, forcément, voilà, c'est la plus grande salle, et on la connaît bien. Mais voilà, mais après, on est bien partout, hein. Et nous, on recherche des salles qui veulent nous accueillir sans problème. Exactement. Voilà, l'appel est lancé. Est-ce qu'il faudra réserver ? Non. Non, c'est pas la peine. Oh, mais quelle souplesse ! C'est gratuit, sans réservation. Mais oui, mais ça, c'est incroyable. Ça donne envie de venir. Hein. Absolument. Comment vous pensez, d'un point de vue un petit peu plus large, puisque la thématique du jour, évidemment, c'est la vôtre, c'est le théâtre, comment se porte le théâtre amateur aujourd'hui ? Après, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de scènes là. J'ai été voir plein d'autres troupes autour et je trouve que ça se développe énormément. Ouais. Là, on a été voir les Dézingués. Dézingués de la Seine, oui, à Saint-Georges-sur-Cher. À Saint-Georges-sur-Cher. On a été à l'Éveil de Nanteuil, à Montrichard, voir la troupe de l'Éveil. Donc, en fait, moi, je trouve que si quelqu'un veut aller voir du théâtre, il peut. Il y a beaucoup de salles et il y a beaucoup de propositions, en tout cas. Mmh. Voilà. Il y a de quoi faire. Après, ça part souvent sur des initiatives de petits groupes de personnes qui ont envie. Parce que la culture, elle a mal quand même en ce moment, on peut le dire. Oui, c'est sûr. Oui. Mais c'est vrai que moi, je trouve qu'il y a quand même pas mal de petites troupes qui se débrouillent, comme les Comédouins aussi à Saint-Ouen-les-Vignes. Enfin, voilà, donc... Il y a beaucoup de gens qui ont envie, je pense. Oui, surtout à l'heure de l'intelligence artificielle, je pense que les gens, et j'espère que les gens vont être de plus en plus intéressés pour aller voir des vrais artistes sur scène. Et, Bah oui, besoin de voir des humains. Exactement. Directement. Eh bien, écoutez les filles, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. On va répéter évidemment les dates. Donc le 25 avril, ça se déroulera au Petit Théâtre de Mareuil à 20h. Les 6 et 7 au Centre Socioculturel de Bléré, 6 et 7 juin bien évidemment. Et le 27 juin, la date clôture qui sera pas loin de chez une amie commune que vous connaissez sans doute, Camille. Qui, bien je sûr. Suis sûre, nous écoute, évidemment. Tout à fait. Je suis sûre. Puisqu'elle est présente dans ce studio. Très bien, donc on prend en note évidemment toutes ces dates. Rappelons que c'est gratuit avec une participation libre de chaque spectateur. Il dure combien de temps ce spectacle ? 1h20 à peu près. Ok, voilà. D'accord. Et donc ne manquez pas évidemment les 6 Gourdas qui seront sur scène. Merci beaucoup Émilie et Sophie d'être venues nous en parler. On a hâte de découvrir votre spectacle et puis de vous voir sur scène. Merci à vous. Merci à vous pour votre accueil. Merci beaucoup, c'est la fin de ce mag. Vous pouvez le retrouver en podcast sur le Facebook de Radioactive 93 et 94.7 FM. Retrouvez le mag et toutes vos émissions préférées sur radioactivefm.fr.